J'habite à Lost City, et si t'es prends savoir plus, je te montre où cela situe. Et si tu veux m'éviter, ne viens pas dans ma city. Car t'es ghetto, jeune en masse, parle de fric de tasse, mais leurs galères ne font que s'entasser. Faut que je brasse le plus haut. Pas besoin de gunshots, shoot les jeunes cloques, claque les portes, ceux qui se disent au top, voici ce que le 7ème sens m'a appris. Vive mes dépits, sans répit, mets de côté le mépris, j'ai compris et pris. Pour m'en sortir vivant, marche avec le vent. Le plus souvent, je me souviens que les frères essayant de s'en sortir finissent parfois vaincus. Et bien que le mal s'accroît, le 7ème sens est là aussi. Faut pas que tu ranges tes espoirs dans un paquet. Faut que tu saches que le 7ème sens en toi, gars, tu peux le maquer. Le 7ème sens me mène, me porte au but de mes connaissances. Connais mes sens, le cul, ma force me donne une telle puissance dès ma naissance. Maîtrise mon art avec une telle aisance pour ta pénitence. J'ai acquis le 7ème sens, le 7ème sens me mène, me porte au bout de mes connaissances. Connais mes sens, le cul, ma force me donne une telle puissance dès ma naissance. Maîtrise mon art avec une telle aisance pour ta pénitence. J'ai acquis le 7ème sens. Dans le ghetto, le 7ème sens est mal exploité. Tandis que d'autres bétons n'ont pas assez de veines comme béto. Alors sur l'étau, le réduit. Et toi, qu'est-ce t'en déduis? Un jeune qui se balade avec un gunner sur les coups de minuit. Triste à entendre, triste vérité, son destiné. Un gars qui bute un autre gars dans sa tête, c'est estimé aujourd'hui. Pour être dans le coup, il faut que tu dis les ventes des produits. Rapport des sous, soit le plus vil, les frangins enduits de balles qui distinguent le bien du mal. Ils vendent parce qu'ils ont la dalle et finissent souvent sous une dalle. Test là à qui je le dois, à qui personne, mon esprit me résonne. À présent, je contrôle bien toute cette zone. Le 7ème sens, c'est me rendre plus sensé, plus sensible pour ne pas finir gommé et être de la ville assise. Le 7ème sens me mène, me porte au bout de mes connaissances. Je connais mes sens, le cube, ma force me donne une telle puissance dès ma naissance. Maîtrise mon art avec une telle aisance pour ta pénitence. J'ai acquis le 7ème sens, le 7ème sens me mène, me porte au bout de mes connaissances, je connais mes sens. Le cube, ma force me donne une telle puissance dès ma naissance. Maîtrise mon art avec une telle aisance pour ta pénitence. J'ai acquis le 7ème sens. Le 7ème sens m'aide à pas craquer, être fracas, plutôt être friqué, pour croquer, avoir un déblin par cas. La vie la pute vise, l'esprit d'un tombé dans ses serres. Lutter pour s'en sortir est devenu une chose nécessaire. Je m'adresse aux frangins qui se laissent traîner, entraîner, engrainer, finissent mauvaises graines. Qui se font ronger par les soucis comme de la gangrène. Tu sais que je serai un grand représentant du vrai hip hop, je crains. Du grand, il m'en faudra pas grave, je suis un mec franc. Yo, test du max de face à qui le 7ème sens. Yo, le 7ème sens à qui les lâches combat à coups de hache, gars. Mon 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens, 7ème sens,